Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 26. Du Christ comme médiateur. Le Christ est le seul médiateur véritable, il est médiateur comme homme. 1. Le Christ est-il proprement le médiateur de Dieu et des hommes? L'apôtre répond, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, 5. À quel autre pourrait mieux convenir la fonction de nous unir à Dieu pour notre perfectionnement qu'à celui-là même qui nous a réconciliés avec Dieu, selon cette parole, Dieu était dans le Christ, où il se réconciliait le monde, 2 Corinthiens 5, 19. Aussi, après avoir dit, le seul médiateur de Dieu et des hommes, c'est Jésus-Christ homme, l'apôtre ajoute, qui s'est donné lui-même pour la rédemption de tous. Rien n'empêche cependant de donner à quelques autres le titre de médiateur entre Dieu et les hommes sous un certain rapport, à cause de leur coopération à l'union des hommes avec Dieu par voie de préparation ou de ministère. Note. Les prophètes et les prêtres de l'Ancien Testament ont été médiateurs entre Dieu et les hommes par voie de préparation et de ministère, en tant qu'ils annonçaient et figuraient le vrai et parfait médiateur de Dieu et des hommes, Jésus-Christ. Les prêtres du Nouveau Testament sont les médiateurs de Dieu et des hommes, en tant qu'ils sont, dans l'administration des sacrements, les ministres du véritable médiateur dont ils tiennent la place. Fin de la note. 2. Le Christ est-il médiateur comme homme? Le Christ, en tant que Verbe, ne diffère du Père et du Saint-Esprit ni par la nature, ni par la puissance, ni par la souveraineté, ce qui appartient au Père et au Saint-Esprit lui appartient également. Il ne saurait, dès lors, transmettre aux hommes ce qui est au Père et au Saint-Esprit, comme on transmet ce qui appartient à autrui. Mais, en tant qu'homme, il est éloigné de Dieu par la nature, et des hommes par la plénitude de la grâce et de la gloire. Aussi est-ce comme homme qu'il nous unit à Dieu, dont il nous transmet les préceptes et les grâces, en même temps qu'il satisfait et intercède pour nous. Disons, en conséquence, que le Christ est médiateur comme homme, et qu'il ne peut l'être en tant qu'il est Dieu. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.